Nous voici déjà rendus à la quatrième séance du cours sur l'économie du web et nous allons aborder la question des marchés, de leur structure et de leur évolution, bien sûr, avec le numérique. Le message principal de cette séquence est le passage progressif, générationnel, pourrait-on dire, d'un marché organisé autour du contenu à un marché organisé autour de l'accès. Cette bascule a de nombreuses conséquences que nous examinerons dans les séquences à venir, mais elle peut se lire déjà dans l'évolution des pratiques, dans les changements qui affectent les marchés de la publicité ou encore dans la balance ou l'équilibre ou le déséquilibre plutôt entre le contenu et le contenant. La séquence se termine par un diaporama réalisé par un cabinet d'études qui montre bien la vision qu'ont aujourd'hui les financiers de ce marché. Je vous invite tous à le commenter et à l'analyser. Cette séquence est aussi l'avant-dernière de la première partie du cours. Alors, un petit rappel n'est peut-être pas inutile. N'oubliez pas que vous devrez rédiger une synthèse de cette partie. Pour ne pas vous faire prendre au dépourvu et accumuler in fine trop de travail, il est prudent de prendre des notes à chaque séquence. Elles vous serviront grandement pour cette synthèse. Voilà, et puis, comme d'habitude, au plaisir de vous lire.